Ils veulent manger à tous les râteliers. Les vrais bonhommes sont fabriqués dans nos ateliers. Quand tes ennemis deviennent leur allié. Jalousie, envie, parle de principe, mais t'es pas régulier. Loyauté, loyauté, loyauté. Je t'ouvre les yeux, tu vois que mes royautés. Loyauté, loyauté, loyauté. Je t'ai fait du bien, c'est pour Dieu, garde ta loyauté.